Leur politique veut nous voir braquer, nous pousse à craquer. On a du taf, mais eux veulent nous matraquer. Dans la cité, l'homme calme s'est fait menotter. Les chiens abusent du pouvoir pour nous contrôler. Qu'est-ce que nous pousse à l'extrême à vouloir ta mort? Mes frères deviennent schizophrènes, elles se plaignent sur leur sort. Et sur la liste quand les ghettos est devenu hardcore. Si à les Schmitt, nous on les baise avec un raptor. Humeur et maussade, mon cœur une grenade. Si je tire, t'inquiète, ce sera pas aux grenailles. Qu'est-ce qui pousse à trouer leur pare-balle? Ces bâtards nous parlent mal. Tabou, bon, c'est pour eux, on est illégal. On nous a attribué le statut du chétan. Vos contrôles deviennent trop banal. Toujours les mêmes cons, arrête au barrage. En cas de course, poursuite, on vous balade. Chez nous c'est Bagdad, demande à Mourad. On a la dalle, on taquet, on ira plier la tôle. Péter les coffres, arracher l'or à la gueule. Les billets, c'est ce qui met la colle. D'ailleurs, c'est ce qui met nos frères en tôle. Nos frères en tôle. Voici noir sont détestés par les flics, on s'y inspecte. Digier d'Amérique, ils veulent qu'on respecte. Comme les miens, je les nie. Vas-y, passe-moi un flic, je reste plus d'un flic. Gros porc, tu veux me rentrer dedans? Vas-y, pose ta plaque PD, je te casse tes dents. Vos contrôles ne servent à rien, bande d'abrutis. Vous pensez que dans le crâne, on n'est même pas abouti. Arrêtez de casser les couilles pour un bout de shit. Allez casser les couilles à ces juges qui violent des petits. Tu penses qu'à tirer juste en me matant. Tu penses que je suis pas humain, tu penses que je suis Satan. Mais pourquoi tu paniques, t'as peur de ton crâne? Tu crois que ça va te sauver d'être flic, t'as rien dans le crâne. Fils de pute, flic j'te bute. Quand tu pars en patrouille, ta meuf c'est une politique pour nous voir braquer. À craquer. On a du taf, mais eux veulent nous matraquer. Dans la cité, l'homme calme s'est fait menotter. Les chiens abusent du pouvoir pour nous contrôler. Qu'est-ce qui nous pousse à l'extrême à vouloir ta mort? Mes frères deviennent schizophrènes, elles se plaignent sur leur sort. Et sur la liste, quand les ghettos est devenu hardcore. Si à les Schmitt, nous on les baise avec un hardcore. Les politiques veulent nous voir braquer, nous pousse à craquer. On a du taf, mais eux veulent nous matraquer. Dans la cité, l'homme calme s'est fait menotter. Les chiens abusent du pouvoir pour nous contrôler. Qu'est-ce qui nous pousse à l'extrême à vouloir ta mort. Mes frères deviennent schizophrènes, elles se plaignent sur leur sort. Et sur la liste quand les ghettos est devenu hardcore. Si à les Schmitt, nous on les baise avec un rapport. La voix du peuple s'y entend sur beat. Depuis tout petit initié au trafic, la fin du ghetto est poussée par le crime. Comme une flamme à jeunesse décime à l'allure triste. Bienvenue dans l'enfer de Nîmes. Tous allergiques aux flics, on esquive l'air des perquises. Pas tomber au parquet, tous embarqués. On crame la France juste avec un briquet. J'ai plus rien à perdre et tout à prendre dans ce monde. Même menotté, je te jure que mon porte, j'irai le braquer. Je préfère crever en Londres que sous la honte. Je suis pas né pour me rendre dans le cœur. Le bitume, je porte dans du 30. Ma voix traverse les vides comme Mika avec les menottes. Représente ceux qui choquent. Elle baisse la backpack, fusil à l'épaule. Sorti des blocs, blocs. Avec mon Glock, la pack, je les fuck, fuck. Calvaire, la pack, je les fuck. Je réfléchis à mon avenir, rien que la foi pour tenir. Mon ghetto s'empire, les arcos veulent l'empire. Ils aimeraient me canner, Inch'Allah martyr. Ils nous détestent, je sais, parce qu'on les paie, je sais. Tu régales, je sais, si tu crèves, j'y serai. Dans la merde, on est, notre survie, l'excès. Garde du terre-terre, il paraît qu'on est suspect quand on opère. On est street et RG, illicite ou pas, criminel ou pas. Pas un on est, il peut nous mettre au pas. La République, on pèse, on est des têtes brûlées. Et quand on pense, on pèse, on a envie de braquer. Vas-y, casse-toi, sale chemise, tu nous casses les couilles. Maintenant vouloir faire des fous pour un regard ou la gueule qui te revient pas. Arrête de faire le fier car tu nous connais pas. Leur politique veut nous voir braquer, nous pousse à craquer. On a du taf mais eux veulent nous matraquer. Dans la cité l'homme calme s'est fait menotter. Les chiens abusent du pouvoir pour nous contrôler. Qu'est-ce qui nous pousse à l'extrême à vouloir ta mort? Mes frères deviennent schizophrènes, elles se plaignent sur leur sort. Et sur la liste quand les ghettos est devenu hardcore. Si à les Schmitt nous on les baise avec un hardcore. Leur politique veut nous voir braquer, nous pousse à craquer. On a du taf, mais eux veulent nous matraquer. Dans la cité, l'homme calme s'est fait menotter. Les chiens abusent du pouvoir pour nous contrôler. Puisque nous pousse à l'extrême à vouloir ta mort. Les frères deviennent schizophrènes, elles se plaignent sur leur sort. Et sur la liste quand les ghettos est devenu hardcore. Si à les Schmitt, nous on les baise avec un rapport.